une histoire particulière. Mais quelle histoire ? Avez-vous écouté l'histoire particulière diffusée hier après-midi ? C'était celle de Francine et Marcelin Dumoulin, disparus dans le massif des Diablerets en Suisse en 1942 et retrouvés enlacés dans la glace le 21 juillet 2017. Une histoire très forte, très émouvante, racontée par leurs deux derniers enfants encore vivants, Marceline et Monique. C'est aussi l'histoire d'une montagne vivante qui a bien changé en 75 ans. La montagne avait gardé les amoureux, elle les a rendus. Voici la suite et fin de cette histoire, racontée par Michel Pomared et François Teste. Noces de glace. Une histoire mythologique. Michel Pomared, François Teste. Francine Udry-Dumoulin, où est-ce qu'on est ? Nous sommes à Saint-Germain, village de Saviez, devant notre église paroissiale. Alors quand on parle de Saviez, Saviez c'est un ensemble de communes en fait. C'est un ensemble de villages et de hameaux. Il y a 6 villages et puis 5 hameaux. Et Saint-Germain, c'est un peu la capitale ? C'est la capitale, oui. Derrière cette porte ? C'est notre église de Saint-Germain, qui est dédiée à Saint-Germain, l'évêque de Paris. Et c'est là donc qu'ont été enterrés vos parents. Voilà, la messe de funérailles. La messe de funérailles de vos parents. Marceline, à la messe des funérailles, vous étiez assise à gauche. Oui. Et cette église, comme je vous ai dit, l'église paroissiale, a été entièrement conçu par le peintre Bieler avec notre curé Jean. Et Marceline, cette église-là qui est aujourd'hui vide, le jour des funérailles de vos parents, le 23 juillet 2017, c'était plein ? Elle était archi-pleine. Il y avait des gens dehors ? Oui. Il y avait la police qui surveillait les abords ? Oui. Pourquoi la police ? Parce qu'on a dû écarter les journalistes, les photographes. Et puis, le matin même, j'ai reçu depuis l'Allemagne, ils voulaient venir pour filmer. Et la police avait dit un non, ça fait une télévision et un photographe. Alors, ils étaient un moment là, et puis un moment, ils étaient là-haut. Pour aller au cimetière, c'est oui, on peut passer là. On peut même passer par le raccourci. C'est ouvert. Non, c'est fermé. C'est ouvert, la sacristie, c'est ouvert. Non, mais la sacristie, c'est ouvert. Alexandre Gurkinger, vous êtes photographe. Oui, tout à fait. En novembre 2017, vous avez publié dans le magazine Du Monde un grand reportage photographique sur l'histoire du couple Dumoulin, qui est parti et qu'on a retrouvé 75 ans plus tard. Je voudrais d'abord qu'avec vous, on fixe le décor de cette histoire incroyable. L'histoire du couple de Moulin, c'est un couple qui en 1942 a disparu dans le massif des Diablerets sur un glacier qui s'appelle le glacier de Saint-Fleuron, qui a priori surpris par le mauvais temps, ont glissé dans une crevasse, sont tombés de plusieurs dizaines de mètres, et malgré des recherches intensives pendant 5 jours par une cordée de sauveteurs à l'époque, n'a jamais été retrouvé. Et en 2017, donc en juillet 2017, du fait du réchauffement climatique, de la fonte des glaciers alpins, ces corps sont réapparus. Et donc on les a retrouvés dans ce glacier à ce moment-là. Alors vous, Alexandre Gurkinger, en octobre 2017, avant la publication, vous allez sur place et vous faites l'ascension. Racontez-moi en images votre périple dans les hauteurs. Donc j'ai fait une partie de l'ascension, parce que ce jour-là, ce couple en 1942 faisait 2500 mètres positifs, ce qui est, pour ceux qui connaissent un peu la montagne, absolument gigantesque. Donc moi j'ai fait... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros de 12 à 14 heures de marche dans la montagne pour atteindre le glacier. Donc ils sont tombés après avoir gravi cette distance. Pour ma part, j'ai fait une grosse partie, on va dire les deux tiers de ce trajet-là, principalement dans la dernière voie d'accès vers le glacier. Alors le paysage n'a plus rien à voir avec ce qu'eux ont traversé. Le glacier a perdu 40 mètres d'épaisseur entre-temps, a reculé de 150 mètres. Donc le paysage est très très différent. Les roches, on est beaucoup plus sur un paysage rocheux avec une langue glaciaire au milieu qu'à l'époque cet énorme glacier qui s'écoulait doucement vers la vallée. Donc ça c'est le massif des Diablerets. Un autre endroit important dans l'histoire, c'est la quille du diable. Est-ce que vous pourriez me montrer la photo que vous en avez prise ? Alors, la quille du diable, en fait, c'est une formation géologique qui domine le glacier. La quille du diable avait une forme de quille à l'époque où ce couple a disparu. Et maintenant, du fait de la fonte du glacier, la base en a été découverte et donc a de moins en moins une forme de quille. Donc, elle domine ce glacier. C'est l'endroit où, en 1957, à la demande des enfants, une messe a été prononcée en l'honneur de leurs parents et deux plaques ont été déposées sur cette quille. Et en l'occurrence, après la découverte du corps en juillet 2017, une troisième plaque, a été fixée avec noté dessus retrouvé le 13 juillet 2017. Comment est-ce que vous avez vécu cette histoire que vous avez racontée en images? Vous êtes allé sur les lieux de la disparition, vous avez retrouvé les témoins. Comment vous avez vécu cette histoire? C'est une histoire assez forte, au-delà de l'anecdote, donc du fait de retrouver un couple comme ça disparu en 1942. Bon, le couple, quand on les a retrouvés, était enlacé d'une certaine manière, ou en tout cas les corps enchevêtrés. Donc il y a quelque chose de tout de suite qui rappelle la puissance des sentiments, qui nous fait imaginer la manière dont ils sont morts. Mais au-delà de ça, ce qui est assez fort, et notamment à traiter en photo, c'est qu'à travers la découverte de ce corps presque intact, car momifié par la glace, il y a le réel rejaillissement du passé, de cette époque-là, de toutes les histoires et de tous les traumatismes qui ont accompagné cette disparition. Et chacun des éléments, du paysage aux enfants, en passant par les corps, en passant par les objets qu'on a retrouvés avec eux, c'est vraiment comme si ce passé proche 1942 rejaillissait à la surface du présent. Donc c'est assez fascinant et à traiter en photographie, c'est vraiment une rencontre avec ce que Roland Barthes pouvait appeler le « ça a été ». Parce que tout ce qu'on voit là, ça a été à un moment donné et ça ressurgit subitement. Donc pour construire une narration photographique, c'est un sujet assez magique. août 1942, Marcelin et Francine Dumoulin partent en montagne et disparaissent. En 1981, vous, Bernadette Rotten, vous faites de cette disparition une pièce de théâtre et vous la jouez dans les altitudes, près du lieu même de la disparition. Racontez-moi cette pièce de théâtre. Racontez-moi comment vous racontez l'histoire de leur disparition. Oui, on la raconte en la sublimant peut-être un peu par tout ce qui s'est passé à l'époque ici au niveau de la paroisse de ce jeune couple dont lui avait 40 ans et elle n'avait pas 30 ans. Candide, qui était donc qui avait 13 ans à l'époque de la mort de ses parents, je lui ai dit, mais Candide, est-ce que tu serais d'accord, on va essayer de parler de tes parents? Il avait les larmes aux yeux, il a dit mais oui, on va essayer quoi. Et puis comme Candide était devenu un ami de toute l'équipe des Compagnons du Bis. Les Compagnons du Bis s'appellent le théâtre. Alors Candide avait acheté, dès qu'il a pu, une motoneige. Et il allait sillonner le glacier de long en large, appeler son père et prier là-haut. Enfin, il était obsédé par l'idée, c'était son sang, de trouver ses parents. Archives radio-télévision suisse, 1982. Si je viens souvent sur ce glacier, c'est parce que d'abord il est magnifique, et ensuite parce que pour moi c'est tout un drame, c'est toute une histoire. En 1942, il y aura 40 ans dans deux semaines, mon papa et ma maman traversaient ce glacier pour aller trouver des alpages dont il était le président et trouver les vachers. Et ils se sont perdus dans ce glacier, plus jamais on n'a trouvé de traces. Donc ils sont dessous cette masse immense de glace. pour moi, ça me serre le cœur d'en parler aujourd'hui. Je viens souvent pour essayer de les rencontrer, de les retrouver. Parce que d'où ils sont, ils me parlent. Souvent dans ma vie, je l'ai entendu, il ne fait pas ça. Fais autrement, marche droit. C'est encore lui, d'où il est, mon père, qui me dirige souvent. Et c'est pour ça que j'ai un monstre plaisir de venir ici, et je viens le plus souvent possible. Bernadette Rotten, je lis un extrait de Les Mystères de la Mort tiré de L'Alpe Mystérieuse, donc la pièce que vous avez écrite pour raconter la mort de Marcelin et de Francine. Est-ce que vous pouvez me lire Candide ? C'est le fils de... Oui. Oui. Qu'êtes-vous donc devenu depuis votre départ, des fantômes errants dans les profondeurs de l'Alpe ? Réponse de Marcelin. Non, non. Les fantômes imaginés par les hommes n'ont aucune consistance. Mirage de vie, ils n'existent que dans l'esprit de ceux qui les voient. Ta mère et moi sommes bien présents, vivants d'une autre vie. Francine. Tu le sais bien, toi, mon enfant, qui est revenu si souvent nous parler sur l'immense glacier. Donc ça fait référence donc à Candide qui cherche ses parents avec son motoneige. Marcelin. Oui, je le sais, mais l'esprit a besoin qu'on lui redise la vérité quand les yeux ne jouent plus leur rôle de témoin. Candide. Pourquoi donc aviez-vous quitté, emporté par l'orage et la tourmente, nous laissant pauvres orphelins dans l'amère tristesse? Donc, réponse de Marcelin. Oui. Comment expliquer le mystère de la vie et de la mort échappe à l'intelligence des hommes? Mais nous n'avons cessé de veiller sur toi, sur tes frères et sœurs, depuis notre départ vers cette troisième vie. Réponse de Candide. Quelle troisième vie? Alors, est-ce que la troisième vie, Bernadette Rotten, c'est ça qui a démarré le 13 juillet 2017, quand Marcelin et Francine ont été retrouvés là-haut? En un sens, oui, mais d'abord, la troisième vie qu'on ne peut pas mesurer, comme c'est dit dans le texte tout à l'heure, les yeux ne voient pas cette dimension énorme qu'est l'amitié, la solidarité dans une commune faite de quelques vignes, de quelques paysans qui élèvent leurs biens, une commune qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas riche loin de là non plus, et qui a toujours le nécessaire, une commune qui se contente de ce qu'elle a, qui sublime ce qu'elle a, qui sublime le paysage, qui sublime, oui, la foi et les traditions des anciens. Maintenant, nous arrivons sur le cimetière. Et vous voyez, quand on voit là, ça c'est la vieille croix du cimetière, là-bas où ils ont mis l'ex-voto. L'ex-voto. Et là, vous voyez, la communauté saviezane, reconnaissante envers Dieu et Notre-Dame des Corbelins, pour Francine et Marcelin Dumoulin-Rousseau, retrouvés 75 ans après leur disparition au glacier de Zonfleuron et ensevelis dans notre cimetière. Qu'un instant de prière ici nous rende solidaires des familles qui n'ont pas retrouvé un être disparu. Et vous voyez alors la photo là, comme elle a été bien prise depuis l'hélicoptère. Alors, si je vous montre... Ici, vous avez vu la quille du diable, eh bien, elle est ici. Et vous voyez, où on a trouvé mes parents, c'est ce petit point. Tout ce mamelon ici, eh bien, c'était glacier. Et vous voyez où il s'arrête maintenant, le glacier. C'est là. Alors, cette photo a été prise depuis l'hélicoptère par le petit-fils. Et vos parents, ils sont où ici? Alors, maintenant, les parents, on va descendre ici, à gauche. Roland Udry, un ami prêtre de la famille. Mon prénom c'est Roland, on m'appelle Roland. 15 août 1942, au Mayen. Au Mayen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, j'ai 11 ans à ce moment-là. Et bon, c'est la fête, alors on va à la messe. Il y a une messe qui est célébrée à la chapelle de Mie, la chapelle de l'ensemble des chalets, quoi. Et voilà, et j'ai la chance d'entendre un couple qui chante la messe pour cette fête. Et je pense à la messe, etc. Puis ensuite, je les vois partir avec leur sac, leur gros souillé, tout ça. Et voilà. Et puis, tout d'un coup, quelques temps après, un jour après, deux jours après, on dit ils sont pas arrivés au but. Donc, les années passent, et puis ça veut dire 75 ans sont passés jusqu'au 13 juillet 2017. 13 juillet, puis je ne sais pas si c'est ce jour-là qu'on a annoncé à la radio suisse, n'est-ce pas? Tout de suite, j'ai dit, ce sont les Dumoulin. Alors, j'ai téléphoné à Marceline, qui me dit bien sûr, etc. Et puis, on a parlé. Elle me dit, alors, écoute, il y a une messe qui est célébrée ici. Je dis, je viendrai qu'on célébrer ici à Savien, etc. Et c'était une messe qui était magnifique, parce qu'il y avait un soulagement pour toute la paroisse, et il y avait surtout une action de grâce, un remerciement d'avoir retrouvé ses parents d'abord, et ensuite ses paroissiens qui étaient fidèles. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, Roland Udry, d'être le témoin du départ? Vous étiez servant de messe à 11 ans, et de les retrouver 75 ans après, dans une autre église en fait. Dans une autre église, oui, d'accord. Moi, c'est un grand soulagement parce que je portais ce souci de Marceline et de l'angoisse un petit peu des enfants qui voulaient à tout prix retrouver ses enfants, leurs parents. Ça, c'est le texte qu'a lu Jean Varonne. Oui. Est-ce que vous pourriez me lire le début? Alors, dans l'Ancien Testament, tous les événements importants se passaient sur la montagne. Dans l'Évangile, quand le Christ avait un message important, il allait sur la montagne, il gravit la montagne. C'est ce que nous trouvons dans les deux lectures que nous venons d'écouter. C'est un peu la montagne qui nous rassemble ce matin. Marcelin et Francine ont disparu dans la montagne sur un glacier. Et c'est là que nous venons de retrouver leur corps. La montagne les a gardés 75 ans. Et elle vient de nous les rendre. Est-ce que l'image de la montagne peut ce matin nous redonner courage? Découvert au Diableret, la première des filles des disparues témoigne. Les deux corps retrouvés jeudi au glacier de Tsanfleuron, sur territoire valaisan, sont ceux d'un couple de Saviezans disparu en août 1942. Monique Gauchy-Dumoulin avait 11 ans quand ses parents n'ont plus donné signe de vie. Elle témoigne. C'est en préparant un hommage à ses parents et à ses 5 frères décédés que Monique Gauchy-Dumoulin apprend qu'on aurait découvert le corps de sa maman et de son papa, disparus il y a 75 ans. France Massy, c'est le début de l'article que vous avez écrit dans le Nouvelliste le 18 juillet 2017 sur donc le couple Dumoulin retrouvé dans la montagne. Pourquoi votre rédacteur en chef vous dit d'écrire cet article, vous qui écrivez d'habitude sur le vin? C'est vrai que c'est pas ma spécialité de faire l'effet divers. Et puis j'étais un peu mal à l'aise quand on m'a demandé ça, parce que je me disais, oui, ça, j'avais peur de jouer un peu, de faire un peu de voyeurisme, tout ça. Et quand j'ai trouvé cette vieille dame, j'ai été touchée par le chagrin qu'elle avait 75 ans plus tard. Et elle avait presque un chagrin de petite fille. Et c'était très touchant. Et on a pris du temps, on l'a laissée parler. Elle nous a confié des choses qu'elle n'avait pas envie qu'on écrive, mais dont elle avait besoin de parler. Puis j'avais l'impression que ça lui faisait du bien, qu'on la considère un peu, qu'elle soit dans le journal, parce qu'il y avait eu un article qui avait paru précédemment dans un autre journal, où on ne l'avait même pas citée, où elle apparaissait pas. Donc, quelque part, c'était un peu de la reconnaissance. Parce qu'avec des drames comme ça, il y a des familles qui se déchirent un petit peu, parce que les enfants se séparent, enfin, sans se déchirer, ils se perdent de vue, ils n'ont plus de lien. Et elle avait l'impression qu'on l'avait oubliée. La photo, un mot de la description, où on voit donc Monique et ses parents défunts qui sont sur, je sais pas, une petite étagère ou un petit bureau. Alors oui, ils sont sur un meuble dans son salon. Ils sont appuyés au milieu des coupes. Des coupes que ces chiens ont récoltées dans les différents concours de beauté parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, mais elle a compensé avec des petits chiens nains, des petits caniches nains, et elle leur a fait faire des concours de beauté. Alors il y a les choses qui sont plus importantes pour elle parce que finalement un peu ces petits caniches, c'est un peu ses enfants et ses parents. Alexandre Guercanger, est-ce qu'on peut faire marche arrière pour regarder les objets qui figurent là, qui ont été retrouvés à côté des corps? Et comment vous avez, vous, eu accès à ces objets? Alors, c'est des objets qui ont été... la police a proposé à la famille de leur donner. Donc, vu l'état des objets et le fait que... Quand le dégel de ces objets, c'est des objets qui partent un petit peu en lambeaux, qui sont intacts au moment où on les retrouve et qui sont très compliqués à conserver. Ils les ont cédés au musée de Sion. Et donc, j'ai fait ma demande au musée de Sion pour y avoir accès et j'ai été les photographier là-bas sur place. C'était un des moments assez bouleversants de l'histoire, notamment, en fait, au moment où j'ai photographié la lampe de poche qui a été publiée, qui est en différentes parties, qui est cassée. Où en fait là, en 1942 dans les Alpes suisses, il y a un mode de vie qui est à la fois très ancien et qui est en même temps finalement très proche de nous. Donc au moment de traiter l'histoire, j'avais l'impression de traiter d'une histoire qui était presque beaucoup plus vieille que le XXe siècle. Et au moment où je photographie cette lampe de poche, je me rends compte que c'est à la fois un passé lointain, mais en fait très très proche également. Alors, description du premier objet jusque... De gauche à droite, on a d'abord un parapluie. Donc ils avaient en fait deux parapluies avec eux. Il y en a un qui est intact, parce qu'a priori il était fermé au moment de leur chute, et un parapluie qui était en lambeaux, donc on suppose qu'il était ouvert, donc ce qui voudrait dire qu'ils marchaient côte à côte, serrés l'un et l'autre, probablement dans le brouillard ou dans la pluie ou dans la neige, et qui, lorsqu'ils sont tombés, ce parapluie est resté ouvert et s'est déchiqueté pendant la chute. On en a retrouvé juste des baleines. Ensuite, à droite, on a un sac à dos qui est déformé, qui était la besace dans laquelle ils emportaient leurs effets personnels, une bouteille de limonade qu'on voit à droite, une lampe de poche, quelques pièces de monnaie et un objet, moi, auquel je tiens beaucoup, mais on n'avait pas la place de le publier. C'est un petit bouquet de plantes parfaitement conservées qui étaient a priori des plantes médicinales que la mère cueillait au fur et à mesure de sa marche. Est-ce que c'est une histoire mythologique ? Mythologique, je sais pas, mais c'est vrai que en faisant le reportage, je pensais notamment au fait qu'on ait retrouvé ces corps momifiés à la découverte des momies en Égypte. Alors toute proportion gardée, mais je pense qu'il y a une fascination un petit peu équivalente dans la découverte de ces corps, de ces restes, et du coup dans cette transposition dans un passé qui, en l'occurrence là, est un passé proche et en Égypte un passé très très lointain. Mais je pense qu'il y a les mêmes ferments de fascination pour le public ou pour les gens qui s'intéressent à cette histoire. Mais au total, vous avez photographié plus la mort que la vie dans cette histoire ou pas ? C'est plutôt une histoire de vie, une histoire surtout du fait de la présence encore de deux enfants, de Marceline et Monique. Rejaillissement du passé, comme je disais tout à l'heure, est typique d'histoire familiale et d'histoire de vie. papa, maman, et puis le frère aîné. Avec donc cette photo que vous nous avez montrée chez vous. Oui. C'est la seule photo qu'on avait. Et papa et maman se reposent là maintenant. Et je suis heureuse de savoir où ils sont. Parce que l'angoisse, c'était ça. Pendant qu'on ne les a pas trouvés. Et Marceline, vous voulez être ici avec eux plus tard? Oui. Il y a la petite porte là qui va s'ouvrir et puis j'irai là-dedans. Et je suis heureuse maintenant de dire merci Seigneur, on les a retrouvés. J'avais une dernière question. On a eu votre sœur tout à l'heure au téléphone et on sent que vous n'êtes pas très proche. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux seules survivantes, c'est-à-dire vous et Monique, ça ne soit pas l'amour fou, ça ne soit pas la grande entente, on pourrait dire. Non, mais il n'y a pas d'histoire de famille, on n'a pas vécu ensemble. La première fois qu'on s'est retrouvés, vous savez quand? En 1957, le 21 juin, pour la première messe de mon frère. De notre frère. Mais on s'est retrouvés des étrangers. C'est-à-dire 15 ans après la disparition de vos parents. Exactement. Mais je peux dire, on s'est retrouvés des étrangers. Et les frères et sœurs sont venus à la première messe comme s'ils avaient été à une foire. Dans le sens que ils ne se sont pas intéressés, mais qui a préparé, qui c'est qui a... Vous voyez, c'était tout sur mon dos, et puis ils se sont pas... Et ils sont partis à la fin de la journée, sans même dire merci aux religieuses qui ont fait le repas. Donc Monique, elle avait 11 ans en 1942, vous en aviez 4. Quand vous vous retrouvez, vous avez 19 ans, et elle avait 26 ans. Vous avez vécu séparés. Ah oui. Et ensuite, dans elle avait quitté sa vieille. Et dans vos vies, vous avez été aussi séparés. Ah oui. Mais on n'a eu aucun lien entre nous. Vous savez, ça veut dire. Parce que chacun était, même, je vais vous dire, pas élevé dans les partis politiques des parents. Tu as le grand frère qui dit au tout petit, toi tu n'es pas mon frère parce que tu n'as pas suivi ton père. Question politique. Parce qu'alors ici, dans le village, c'était... La politique, c'était très important. Alors, aller voter pour un autre parti alors que papa était de... C'est, vous voyez, pour dire jusqu'où ça en était. Et le petit frère a énormément souffert de ça. Et le fait de retrouver votre sœur à l'église pour les funérailles de vos parents, vous vous en pas rapproché, Monique et vous? Non. Une histoire mythologique avec Marceline Udry-Dumoulin, Bernadette Rotten, Roland Udry et Alexandre Guirquinger. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. Une histoire particulière, c'est fini. Demain, lundi, et toute la semaine, retrouvez dès 13h30 Sonia Grönlund dans Les Pieds sur Terre, pour d'autres récits et d'autres histoires vraies. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour étudier de près le 6e péché capital. Ah, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous. Mais c'est une autre histoire.